ruelles se parsèment d'imbéciles et de grisailles sur les faubourgs. J'ai rendez-vous avec la mort, je n'ai pas peur. Il y a les choses du quotidien, fatigue aux yeux, réveil matin, quelques rencontres incertaines, les habitudes qui vont certaines. J'ai rendez-vous avec la mort, je n'ai pas peur. Je fuis les vieux rats nostalgiques, les jeunes loups qui se rappliquent. Les temps modernes deviennent risibles et j'en appelle à l'invisible. J'ai rendez-vous avec la mort, je n'ai pas peur. Parfum discret de cette femme qui m'a foutu le vague à l'âme et que je porte accroche-cœur sans rien attendre du bonheur. Je me dis les femmes souffrir pour elles, elles sont au charme dérisoire, elles se contentent d'étincelles, pour l'incendie va te faire voir. J'ai rendez-vous avec la mort, je n'ai pas peur. Je voudrais mourir au matin, chambre d'hôtel, corps inconnu, une dernière fois serrer les poings et qu'on n'en parle plus.